Tu ne sortiras plus de ta chambre, comme un mauvais sort qui te hante. Un séisme en toi où tout tremble, aucune motivation, tout est en descente. Elle est loin l'époque où t'étais actif, loin l'époque où t'étais sportif. Tout ce que tu dribbles c'est avec du tabac, tout ce que tu shootes là c'est toi. L'impression de vieillir tout en grandissant pas, à ne plus pouvoir franchir toutes les étapes, toujours à renier tous tes pas, presque à renier tous tes semblables. Et tu veux faire de chaque instant de ta vie un moment de bonheur, profiter tant qu'il est encore temps avant la dernière heure. Ça sera peut-être dans longtemps, mais en attendant t'as le cœur sur la main, donc tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je vais bien. Nous allons bien, donc tout va bien. Tout va bien. Ouais, on est mal, mais on doit se relever et continuer à avancer. Alors on se lève, on sourit, 10 minutes après, en descente, on laisse nos émotions s'exprimer. Et on sent cette mélodie envoûtante. La musique est ma thérapie, elle me libère de mes démons. La force de croire en une vie pleine de passion. Alors je continue de chanter, à écrire des chansons sur la vie. Même si la dépression et la solitude sont des épreuves difficiles, mais avec de l'aide, de l'amour et de la musique, tu peux les surmonter et retrouver la sérénité. Mais pour seulement 10 minutes, certes, mais on fait avec. On profite du matin et de sentir le vent de la nuit et dormir ailleurs, la musique la plus pure de chaleur. Tout va bien, tout va bien, je vais bien. Nous allons bien, donc tout va bien, tout va bien.